qui éclairera le mystère des choses. La clé des grandes métamorphoses, les écrivains se moquent. Vous êtes encore à l'antenne de Bouquins et Confidences avec Julie Collin, accompagnée cette semaine d'Antoine Tanguay. Rebonjour. Et rebonjour. Donc, avant la pause, on discutait de la flexibilité de Alto. Le fait que vous soyez une petite équipe, que vous pouvez vous permettre de vraiment de prendre le temps avec les livres, ça, que vous voulez vraiment les bichonner puis prendre le temps. Tu disais que vous aviez peu de titres par saison que vous publiez. Et que vous avez, qu'il y a des titres originaux, mais vous avez aussi des traductions que vous publiez. Tout à fait. Comment ça fonctionne au niveau des traductions? Comment qu'on en arrive à repérer un livre qu'on veut traduire? OK. La moitié du catalogue d'Alto est faite de traductions. Encore une fois, tout à l'heure, quand je disais que je ne voulais pas de genre, à mes yeux, la nationalité ou l'origine, c'est une richesse. En ces temps incertains où on parle d'appropriation culturelle ici et ça, il est important de comprendre que chaque livre arrive avec un bagage précis, une génétique précise. Et que, à mes yeux, tous les textes peuvent être exportés. Certains sont plus localement centrés, si on veut, dans leurs référents, tout ça. Donc, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile. Mais de façon générale, une belle histoire est une belle histoire. Elle peut voyager. Ça, c'était le principe de base en 2005. Et c'est le même principe aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait dès la première année, c'est que je suis allé à une foire du livre qui s'appelle la foire du livre de Francfort. Oh, ça, quand même, c'est la plus grosse... C'est la plus grosse foire du livre. Ouais. Parce que parce que ça me ressemble d'aller là pour voir ce que ça a l'air. Il faut préciser pour la question logistique que mon père avait un ami à Francfort, donc un petit peu au nord de la ville, quand même assez loin, mais bon, je faisais le voyage tous les matins, tous les soirs, pour aller voir. Et j'ai été accueilli avec certains... j'avais quand même une carte de visite, là, c'était à ce moment-là, Nikoski venait de paraître, puis j'étais arrivé un peu comme le cheveu sur la soupe éditoriale. Et donc, les gens me connaissaient d'ailleurs comme journaliste, donc j'arrive là un peu en... Vraiment, j'étais le petit nouveau, là, si on veut. Mais j'arrivais pas là en conquérant. J'arrivais là vraiment dans une position où j'allais apprendre. Ce que j'ai appris maintenant, c'est que on cible un texte, on s'enquiert auprès d'un agent ou d'une agence générale qui représente une maison d'édition. C'est variable. Certains auteurs ont des agents personnels. Ces agents-là, souvent, ont 2, 3, 4, voire une vingtaine d'auteurs pour que ça soit rentable. Il faut le préciser. Je précise aussi qu'au Québec, il y a très peu d'agents. Peut-être 2, 3, 4. Mais donc, sinon, dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment un monde qui est régi par la présence d'agents. Vous avez un bon agent, vous avez une bonne possibilité d'être publié. Alors, ces agents-là, ils sont à Francfort. Et sinon, c'est les maisons d'édition qui ont des catalogues de droits. Donc, vous prenez rendez-vous et vous regardez ce que ces gens-là vont publier dans les prochaines saisons. Vous pouvez donc, à ce moment-là, donc ma position, elle est très particulière. On est au Québec, pays francophone. J'ai dit pays, mais bon, c'est une... Prise de position. C'est un beau. Je pense que j'ai pris position, effectivement, parce que d'un strict point de vue, je vous dirais éditorial. Mm-hmm. Là, je disais vous, je sais pas pourquoi vous, mais parlons aux éditeurs, tiens. Je pense que le Québec est très particulier, qu'en ce sens, oui, il est un pays littéraire. Donc, tout ça pour dire qu'on va voir cet agent-là, puis on dit, ben moi, je prends les droits Québec. Okay? Fait à noter. Traditionnellement, les Français prennent toujours les droits monde. Donc, ils ont la France, le Québec et ce qu'on appelle le Dom-Tom, donc les régions Guadeloupe, Réunion et compagnie. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je suis plus intéressé par prendre juste le Québec et je vais travailler en collaboration avec un éditeur français. Il y a plusieurs modèles, puis ce serait trop long de tous les présenter, mais... ce que j'ai fait avec les auteurs canadiens-anglais, ça, c'est une partie très importante de mon catalogue. On est au lendemain de la fête du Canada, tiens. C'est que j'ai décidé que je trouvais absurde que des auteurs canadiens-anglais de renom soient publiés, traduits un peu à la française souvent, en France, et qu'ils arrivent ici avec un prix assez élevé, il faut dire, et pas avec une promotion locale, alors que parfois, cet auteur-là peut habiter à Montréal, être dans une communauté d'écrivains anglo-montréalais. J'en ai plusieurs dans le catalogue, Neil Smith, Sean Michaels, Edgar O'Neill. Ce sont des gens qui sont très connus dans leur communauté, mais qui ne sont pas connus du tout, je dirais, à l'est du boulevard Saint-Laurent. Donc, alors je me retrouve avec ces gens-là que je défends dans une couleur locale et qu'au fil des ans, c'est là où j'ai, je pense, gagné un pari extrêmement important. C'est que les traductions qui ont été faites par Dominique Fortier, des Sophie Voileau, des Éric Fontaine, Laurie Saint-Martin, Paul Gagné, sont des gens avec qui j'ai travaillé donc, au fil du temps. Puis ces traductions-là, faites au Québec, s'en vont en France. Donc, c'est le contraire qui s'est fait. Cela dit, ça fait depuis Francfort, le jour 1, ça fait depuis donc 13 ans que je fais Francfort. Et à chaque année, j'avais de plus en plus de rendez-vous. À chaque année, je me lançais le défi de dire, regarde, surveillez-moi dans quelques années, je vais amener des livres au Québec. Sarah Waters, par exemple, une auteure très connue en Angleterre, qui était beaucoup moins connue ici au Québec. J'ai publié L'Indésirable il y a quelques années. L'éditeur de Noël m'avait dit, écoute, ça, c'est de la grosse pointure. Là. C'est quand même un auteur qu'on vend déjà au Québec. T'sais. Je dis, non, mais moi, je vais faire un gros tirage, je vais faire un beau livre, tu vas voir, il va être moins cher. Et c'est là où il faut dire que les auteurs anglophones et ou d'autres langues sont publiés chez Alto, sont habituellement, en fait, jusqu'à 25%, souvent 25% moins cher, jusqu'à 30% moins cher que l'édition européenne qui est importée au Québec. Et ça joue beaucoup sur, bon, l'économie locale, parce que le libraire en vend plus. Oui, la marge est moins grande, mais au lieu d'en vendre, je sais pas moi, 50 ou 100, ce qui sont des chiffres tout à fait réalistes pour la littérature étrangère ici au Québec, ben on va en vendre 2, 3, 4, 5, 6 000. L'Indésirable, j'en ai vendu 10 000. Et ça se vendait en moyenne à 750 copies. Donc, le saut était quand même important. Je ne fais pas une fortune avec ces textes-là parce que, bien entendu, je donne les droits à ce moment-là à l'éditeur premier qui a déjà le territoire. Alors, moi, j'achète des licences, si on veut. Je dis à l'éditeur qui possède les droits mondiaux, ben moi, je vais faire les ventes pour toi au Québec, je vais te donner un pourcentage, puis je garde un pourcentage. C'est comme ça que je fais découvrir un auteur comme Marina Levitska il y a quelques années, Une brève histoire du tracteur en Ukraine, ou des adhésifs dans le monde moderne, par exemple, auteur britannique, Eleanor Caton, auteur canadienne qui a gagné le prix Booker, c'était fait avec Buchet Châtel en France. Et là maintenant, cet automne, par exemple, une des auteurs de Montréal, que les gens connaissent peu, qui s'appelle Madeleine Tien, qui a fait Do Not Say We Have Nothing, ça a gagné le prix Giller, ça a gagné le prix du gouvernement général, ça a été finaliste au Man Booker, et c'est donc moi qui ai acquis les droits québécois. J'ai ensuite, avec l'agent, trouvé un éditeur français, et c'est la traduction de Catherine Leroux, qui est une bonne amie et une bonne auteure chez nous, qui est devenue une amie de Madeleine, parce que les deux, il faut dire que les deux avaient été finalistes ensemble au prix Giller, donc Catherine pour la traduction du Mur mitoyen, et Madeleine pour Do Not Say We Have Nothing. Donc les deux sont devenus amis. Ça, c'est une belle histoire, parce que Catherine a traduit Madeleine, et la traduction de Catherine s'en va chez Phoebus pour le printemps 2019. Donc, il y a beaucoup de textes. Heather O'Neill, c'est un autre exemple. Heather, maintenant, c'est un petit phénomène. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu la balade de Baby. On en avait parlé beaucoup, mais les gens avaient été un peu rebutés par la traduction. Et là, j'ai dit, bon, ben OK, on reprend l'ensemble de l'œuvre de Heather O'Neill qui était dans un imbroglio avec l'agence, on savait plus qui avait les droits. J'ai décidé d'acheter 3 livres d'un coup. J'ai dit, moi, je fais redécouvrir Heather O'Neill. On était plusieurs éditeurs sur le coup. Hotel Lonely Heart, c'est le premier. Ça a été un gros succès. On vient de réimprimer. Et, ça a été la... Ah, c'est le deuxième. Les Grippins. Oui, c'est ça. La vie rêvée des Grippins. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Non, c'est-à-dire que j'ai acheté au départ, en tout cas, c'est pour comprendre qu'Hotel Lonely Heart, ça devait être le premier. En tout cas, c'est une question de stratégie. Et finalement, Hotel Lonely Heart, c'est éventuellement The Girl with Saturday Night, qui est donc traduit, qui va paraître au printemps 2019. Et ça, ce qui est arrivé après ça, c'est le moment où j'ai eu les droits. J'ai appelé un ami au Seuil, en France, puis j'ai dit, regarde, écoute, cette fille-là est géniale. Lis ça. Il dit, qui c'est ça? Et il a acheté les trois. Et donc, ce sont nos traductions qui s'en vont au Seuil cet automne, avec un autre titre d'ailleurs qui s'appelle Les Enfants de cœur. C'est la traduction de Dominique. Fait que, pour faire une histoire courte, on achète comme ça des territoires, un peu comme un genre de risque littéraire, si on veut. Moi, je garde le Québec. J'ai une clientèle locale. Mon but n'est pas de devenir international, mais d'apporter ici pour les lecteurs québécois des livres de qualité à un prix beaucoup plus abordable que les livres d'édition étrangère. Et souvent, je le précise avec un cas particulier, David Mitchell, L'âme des horloges, par exemple, ou Les mille automnes de Jacob de Zoet, sont des livres cartonnés avec deux embossages dessus, puis une toile, puis tout ça. Ça coûte une fortune faire ça. Je fais pas beaucoup de profit sur David Mitchell, mais c'est des livres qui seraient arrivés ici dans une couverture quelconque, cartonnée, machin, tout ça, bien souple, avec une jaquette à 47 ou 50 $ mm-hmm. Moi, je connais pas grand monde qui aime ça payer 45 $ pour un livre. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je le vends 34, cartonné, édition de luxe, entre guillemets. Mais au lieu d'en avoir 50 ou 100, moi, j'en imprime 4000. Donc, c'est comme ça que je suis capable de faire un livre beaucoup moins cher. Station 11, qui a gagné le prix des libraires cette année, c'est la même chose. C'est un livre qui se serait vendu 42. Je l'ai vendu 29. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent... Puis c'est d'une façon, dans une certaine mesure, c'est pour ça que je parlais de pays littéraire, de marquer qu'on est particulier ici au Québec, qu'on a une très belle littérature, qu'on a des libraires extraordinaires, qu'on a de très bons lecteurs, qu'on n'a pas à rougir devant personne sur la scène littéraire internationale. Donc, quand je me pointe à Francfort puis que je représente un tout petit pays où 3000 copies, c'est un best-seller, ben, je n'ai pas à rougir devant personne non plus. Cela dit, sur mon très petit territoire, ben, je pense faire le meilleur boulot possible. Puis essayer aussi, puis ça c'est une autre chose que je fais, c'est-à-dire que je prends mes droits, parce que j'ai les droits mondiaux de plusieurs auteurs, comme l'Orangerie, on est rendu à 17 pays. Moi, je m'en vais à Francfort et je m'en vais vendre avec l'aide d'une agence là-bas qui s'appelle L'Autre Agence à Paris. Ben, on vend comme ça des droits. On vient de vendre... lequel on vient de vendre? L'Égypte, la semaine passée. Donc, on a vendu l'Égypte, puis on a vendu Israël, ce qui, dans le cas de l'Orangerie, est assez emblématique. C'est quand même intéressant de voir que c'est ce contenu du sujet, c'est quand même bien. Ben oui, c'est ça, on est rendu à 17 pays, là. Nikoski, on s'est rendu à 10 ou 12, je pense, quelque chose comme ça. Dominique Fortier est en Macédoine, en Ukraine. Donc, c'est des gens qu'on a rencontrés comme ça, Tania et moi, au fil des ans. Puis, ben voilà. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. On parle souvent au Québec d'exportation de nos films et tout ça. Ben, vous savez quoi? Le livre est quand même pas mauvais. C'est donc la question des droits, pour revenir à la question, ben c'est ça. C'est qu'on on prend des petits territoires et comme ça, on négocie. C'est dans l'ordre de la négociation. On cherche un joueur de centre, on ne l'a pas, il s'en va à Toronto. On se ramasse avec le joueur de centre que Toronto nous laisse, pour faire une analogie sur le hockey présentement. Ben, c'est un peu la même chose. Je suis un directeur général dans ce cas-ci. C'est la même chose que lorsque vous avez un contrat avec un joueur. Je suis désolé de faire une analogie hockey. Oui, mais ça peut peut-être nous rafraîchir, hein, cette journée caniculaire. Si vous avez un joueur qui a un contrat de tant d'années, vous voulez qu'il reste avec vous, vous devez le nourrir, tout ça, vous devez quand même lui donner des chances ou l'apporter chez vous. C'est exactement la même chose. C'est une équipe et c'est une signature que d'être chez Alto. Donc, si je suis actif sur la scène internationale, je pense que ça devient un plus. Maintenant, pour venir probablement aux questions les plus pernicieuses de cet entretien, c'est aussi, il faut dire, un travail de gestion et d'administration, beaucoup. Et tu avais des questions à ce propos. Oui, mais avant, je voulais dire que un des bons coups que vous avez fait dernièrement, c'est « N'essuie jamais de larmes sans gants ». Ben oui, ça c'est une session de droit aussi, c'est exactement la même chose. Ben oui, mais ça c'est vraiment, c'est un excellent coup, parce qu'en plus, ça vient de gagner le prix des libraires. C'était pas innocent non plus. Pour te faire une histoire très, très courte, là, c'est à Francfort l'année passée. Je rencontre Evelyne Lagrange, qui est donc l'éditrice de chez Gaïa, qui a ce livre-là. Et moi, j'avais entendu parler de ce livre-là par des libraires ici au Québec qui étaient extrêmement enthousiastes. Et j'en parle avec Evelyne. Je dis, écoute, le buzz est bon au Québec. T'sais. Est-ce que tu as vendu les droits poches? Elle dit, non, je comprends pas. Je n'ai pas vendu les droits poches. Puis, pourtant, c'est un très beau livre. Je dis, OK. Je reviens au bureau. Je dis à Tania, écoute, c'est encore disponible. Elle dit, ah, c'est plus ou moins nous, hein, ce texte-là. C'est gros. C'est un gros livre, hein, 800 pages. T'sais. Ça reste un peu comme ça parce qu'il faut comprendre que de Francfort, je reviens avec beaucoup de textes dans mes valises. Là. C'est 20, 30, 40 propositions. Donc, en tant que tel, il faut faire le ménage, essayer de voir un peu ce qu'on devrait faire. Et là, éventuellement, j'ai donc dit à Tania, qui est revenue, pardon, elle, en janvier, puis elle dit, écoute, c'est extraordinaire, on pense à ça, on s'est reviré très rapidement, puis on a vu qu'elle était sur la première sélection du prix des libraires. On a dit, OK, on l'a imprimé, on l'a donné aux libraires de façon massive, on a acquis les droits en coda, donc en poche, on n'a pas coupé la vente du grand format, on a dit, nous, on prend le vent en poche, puis au lieu de le vendre 45, on le vend 22,95. Je précise à tout le monde qui écoute, je ne fais pas une scène sur ce livre-là. Non? Non, pas ben non. Je viens de réimprimer, OK, cette semaine. Puis je vais dire les vrais chiffres à la radio, ce que la plupart des éditeurs ne font pas, OK? Ce livre-là coûte, grosso modo, à peu près, je pense, 12 000 $ à imprimer. On en a fait 3000 copies. Il coûte à peu près 4 $ le livre. Okay? Lorsque vous enlevez la part du libraire ici et ça, il y a ce qu'on appelle un point mort. Le point mort, c'est le moment où vous avez vendu assez de copies pour couvrir votre coût initial. Eh bien, moi, je l'ai atteint. J'ai vendu. Il y a des droits de retour. Hein, faut pas oublier 3000 copies, ce qui est un best-seller. C'est super. En un mois. Okay, donc, c'est un livre qui est vraiment devenu un petit phénomène. Tant mieux, c'est un livre universel, extrêmement fort. Puis je pense qu'il est un livre essentiel pour tout le monde. Il y a quand même un demi-million de personnes qui l'ont lu. Ah, mais c'est vraiment excellent. Oui. Et puis d'ailleurs, fais noter, ça regroupe trois livres. Hein. Donc, c'est une trilogie. Là. Oui, exactement. Ben, on l'a précisé dans la réimpression. Parce que, originalement, c'est paru donc en trois tomes. Et l'édition française regroupe les trois, ce qui explique certains retours sur certaines situations dans le cadre du bouquin. Alors, donc, ça, je l'ai ajouté parce que les gens en ont parlé. Puis on dit, ah, il y a quelques retours. Et c'est donc, oui, effectivement, une anthologie, si on veut. Donc, tout ça pour dire que ce livre-là, j'ai fait en profit 9 500 $. Pour le réimprimer, ça m'en coûte 12 000. Je suis à moins 3 000. Et là, j'entends Tania déjà me dire, mais pourquoi tu as dit des chiffres à la radio? Mais je le fais parce que c'est notre quotidien et qu'en tant que, je dirais, ben oui, en tant que société, en tant qu'entrepreneur subventionné de belle façon par l'État, je pense que j'ai un devoir de transparence. Et j'ai un devoir de dire, ben voici ce que j'ai fait. Je n'aurais pas peur de rendre mes chiffres publics. J'ai pas à le faire parce que c'est un peu comme les états financiers, c'est privé, mais ça me gênerait pas. Je veux dire, c'est une maison profitable qui paye, je pense, relativement bien ses employés sans être vraiment fantasque. On se paye pas de luxe, on travaille fort, puis on travaille fort avec les auteurs. Puis eux autres, ils sont pas payés cher parce que c'est 10 % du livre. Et c'est à peu près la marge qu'on a parce que vous avez 10 % l'auteur, vous avez grosso modo 25 % qui est le coût du livre, vous avez le libraire qui prend 40, le distributeur qui prend entre 15 et 18 plus 18 que 15. Eh bien, l'éditeur, lui, fait grosso modo, selon les statistiques de l'OCCQ, qui est l'Observatoire de la culture, à peu près 8 % sur le livre. Donc, pour revenir au gain, c'est exactement ça. Donc, j'ai remis tout l'argent qui avait été fait en profit dans la réimpression. Cela dit, maintenant, je pars à zéro. C'est-à-dire que là, dès que j'ai couvert mon premier 3000, je vais pouvoir aller faire, si je vends encore 2000 copies, puis j'ai réimprimé 3000 autres, donc je suis à 6000 copies pour réimprimer. Si je me rends à 6000, là, j'ai fait, je pense, 15 000. Fait que j'ai fait 15 000 $ sur un investissement initial de 24. C'est quand même pas mauvais. Mais là-dessus, il ne faut pas oublier. Il y a la publicité, il y a les frais d'opération de la maison et tout ça. Il faut dire qu'il y a zéro subvention pour ce titre-là parce que c'est un titre étranger. Donc, quand les gens disent « Vous avez des subventions pour publier des livres », dans ce cas-ci, c'est faux. Il n'y a pas de crédit d'impôt, il n'y a pas rien, c'est un auteur étranger. Les subventions ne sont attribuées qu'à des titres canadiens ou québécois. C'est très important de le souligner. Ah, c'est intéressant. Ce qui est très bien, dans une certaine mesure. Pourquoi je recevrais des subventions pour aller encourager une littérature étrangère alors que mon rôle est de défendre la littérature nationale et, par extension, canadienne? Alors, ben voilà, là-dessus, je suis très transparent. Certains collègues trouvent que j'ai une très grande gueule sur la chose. Je m'en cache pas, mais c'est pas une façon de je dirais, de se vanter. C'est une façon, je pense qu'Alto est une boîte qui a toujours été marquée par l'ouverture du dialogue avec les gens autour. Alors, pourquoi est-ce que je cacherais ces choses-là? Donc, j'accepte de participer à des émissions comme aujourd'hui parce que il y a peut-être quelqu'un à l'autre bout qui dit « Ah, ça fait du bien d'entendre ça. » Et quand je fais souvent des cégeps, j'ai fait l'été littéraire au Jardin de Métis il y a deux semaines, je fais beaucoup d'activités comme ça pour justement essayer de faire tomber les barrières entre le métier d'éditeur puis celui de... Parce que c'est un métier, on va dire, celui de lecteur ou lectrice. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau, on aime tous les livres, on a juste un rôle différent à défendre dans ce programme-là. Donc, j'arrive avec la question un peu plus... La question qui tue! Oui, un peu plus particulière. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que tu te trompes? T'en as trop imprimé des livres? Oui, souvent. J'ai fait... je vais donner un exemple très précis. J'ai fait un livre illustré avec Matt Stevens. OK, ça, c'est le nom tabou. Matt Stevens. C'est un ami, hein? C'est quelqu'un, c'est un illustrateur super. Je devais, pour faire un livre en couleur ici au Québec, je devais en imprimer 3000. C'est très cher à faire des livres couleurs. Mais comme le coût de revient, il est moins cher, donc lorsqu'on fait un plus grand tirage, j'ai dit à Matt, ben toi, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui pourraient le vendre à l'international? Il a dit, oui, j'ai des galeries, tout ça. Finalement, il n'y a aucune galerie qui l'a acheté. Aucune. J'en ai vendu même pas 100 copies au Québec. Et j'ai perdu entre 16 et 17 000 $. Donc, oui, ça a été une perte. J'ai fait des livres, la plupart sont des livres d'illustration. Mais se tromper, ça pourrait se définir si on avait encore une heure. Mais la question de se tromper, c'est de faire un échec financier. Se tromper, non. Est-ce que j'aurais pas dû publier tel ou tel texte? Là-dessus, j'ai pas de regret. J'ai pris des risques. Je les referais peut-être pas aujourd'hui. Mais je me dois de prendre des risques. Je me dois de dire, il me semble que ça pourrait fonctionner. On n'est pas à l'abri des mauvaises critiques. Quoique là-dessus, Alto est quand même très, très... feuille de route quand même très, très bien. Si je m'étais fait trop planter, je pense qu'on est honnête. On est derrière nos livres de façon très intègre. Mais non, à me tromper, je ne sais pas. Certains titres sont des risques pris en équipe. Love Star, par exemple, qui est un titre islandais, qui est un très, très beau livre, qui avait fait que dalle ici. Ça, c'est Tania puis Chloé. Ça, c'est vraiment eux autres. Quand on pense que c'est souvent l'éditeur, c'est ça, arrêtez ça. C'est un travail d'équipe. Bon, vous êtes une équipe. Donc, dans ce cas-ci, c'est Tania qui a dit, on le fait, je dis, parfait, moi, j'ai fait une couverture, j'ai appelé Charles-Étienne Brochu, qui est un artiste ici de Québec, j'ai dit, on fait le livre, puis on est parti, puis on le fait. Qu'est-ce qui arrive avec les copies qui ne sont pas vendues? Parce que tantôt, tu disais, par exemple... On les détruit. OK. vous les détruisez comment? On les pilonne. C'est-à-dire, je vous explique. Ça choque un peu les gens. Okay? Puis, en quelques minutes qui nous restent, je vais vous l'expliquer. Lorsqu'on fait nos états financiers, on est imposé sur notre stock. Okay? Et même si on baisse notre stock dans sa valeur très rapidement, c'est-à-dire qu'on dévalue notre stock, ça coûte très cher en impôts. Lorsque vous avez un stock de, admettons, 150 000 $ dans vos entrepôts, c'est considéré comme un plus, d'un strict point de vue comptable. Et ça veut dire que votre profit, votre bénéfice net va jouer énormément. Et donc, votre imposition va jouer énormément. Et à ce moment-là, si vous déstockez, OK? Ben là, c'est important. Après 6 mois, un livre n'a presque plus de chance de se vendre. C'est plate, mais c'est comme ça. En librairie, il y a des livres qui sont retournés après 3 mois. Donc, en tant que tel, tu penses que ça allait fonctionner? Eh bien non, ils sont revenus. Alors toi, tu te retrouves avec une gestion de stock que ton diffuseur, pardon, que ton distributeur te charge. Parce qu'il dit, moi, il faut que je les stocke. J'ai des coûts là, à stocker ces affaires-là. Alors, tu te retrouves, par exemple, avec 1000, 1500 copies de trop. Qui valent, mettons, 25 $ chacun. Tu as dévalué ton stock de façon très bien entendu. Il faut que ça soit légitime, cette affaire-là. On s'entend que tu ne peux pas niaiser avec ça parce que tu peux être vérifié et tout ça. Et nous autres, on ne peut plus légitime chez nous. On dévalue de façon hyper précise et on garde notre stock bon. Maintenant, ce stock-là, on est obligé de le pilonner pour qu'il soit considéré non commercialisable. Les gens me disent, pourquoi vous ne l'envoyez pas dans des écoles? Parce que les écoles n'en veulent pas. Ah non. Première chose. Non, parce que les écoles n'ont pas de place. Et de toute façon, je suis désolé de vous le dire, mais imaginez si j'avais, je ne sais pas moi, je vais donner un exemple, je vais pilonner un peu de livres de Larry Tremblay, L'impureté, bientôt, parce que je le sors en poche. Et on avait, je ne sais pas moi, à peu près 400 ou 500 copies de trop qu'on va probablement pilonner. Parce qu'il va s'en venir de toute façon à un prix beaucoup moins cher. Alors, moi, je ne peux pas donner ces livres-là. De toute façon, je ne peux pas les donner aux bibliothèques parce qu'ils ont soit déjà une copie. Et c'est illégal de donner ces livres-là éventuellement. Imaginez le bordel si les bibliothèques moi, à la limite, c'est pas moi, mais je veux dire, l'auteur doit être payé. Quand même, j'ai pas le droit de donner ces livres-là. Là, on me dit, allez donc à ce moment-là dans les écoles, ou plutôt du côté d'Haïti. Les frais de transport de ces livres-là, qui va les payer? Moi, je ne peux pas payer un frais de transport de quasiment 10 $ par livre que j'envoie en Haïti. Alors, j'ai un problème à ce moment-là. Alors, je me retrouve avec un problème de logistique qui fait que, par exemple, je donne des livres dans une boîte à livres que j'ai financée sur la côte de Badelard, ici à Québec. J'en donne de temps en temps. Les gens viennent au bureau, il y a des abîmés. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont un droit d'auteur là-dessus. Donc, je dois le respecter. Première chose, respecter le droit d'auteur. La deuxième, c'est que les bibliothèques, présentement, vous le savez avec les grandes bibliothèques de vente, ils élaguent. Ils n'ont presque plus de place. Alors, si vous arrivez avec, admettons, une copie de chaque, il faut les transporter. Mettons, je dis, tout mon fonds, je vous donne une copie du fonds d'Alto. Je vous garantis qu'avec tout l'amour que je porte pour les bibliothécaires, ils n'ont pas besoin d'un titre d'Alto, ils en ont déjà. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que je fais des dons? Mais là, les libraires ne seront pas contents. Puis je les comprends tout à fait. Ces gens-là m'ont appuyé dès le jour 1. Donc, pourquoi? Par exemple, je fais des baisses de prix. J'en fais de ce temps-ci. Des livres qui étaient à 29,95 $, je les fais à 18 ou à 15,95 $. C'est pas qu'ils sont pas bons. C'est pas qu'ils ont pas réussi. C'est que j'ai présentement 200-300 copies. Je me dis, ça serait dommage de les pilonner. Offrons-les à meilleur prix pour les gens. Le libraire a toujours sa cote. Elle est moindre. Et moi, je ne fais plus un sou. Je précise que lorsque je mets un livre à 15,95 $ qui est à 29, ben, moi, je retrouve mon coût d'unitaire, that's it. Donc, en tant que tel, même souvent, je vais perdre un peu d'argent parce qu'il faut les transporter, hein, ces livres-là. Donc, c'est comme ça que j'essaie d'être le plus éco-responsable. Tania et Chloé au bureau sont très sensibles à cette question-là et je pense qu'il est normal que je sois sensible à cette question-là aussi. Donc, il faut faire face à cette question-là que j'ai souvent. Pourquoi vous ne pouvez pas donner des livres? Ben c'est ça. Quand je fais des salons à l'étranger, en Haïti, si c'est ça, je les laisse là-bas. Hein. Il y a des centres culturels qui sont nourris de livres à Francfort, en Allemagne, par exemple, il y a quelqu'un qui passe à la fin qui ramasse tous les livres. Je les donne. Donc, ils ne sont pas pilonnés. Mais dans une certaine mesure, un auteur pourrait venir me voir et me dire attention, droit d'auteur. Parce que c'est pas une vente. Mais à ce moment-là, c'est pas assujetti à ce qu'on appelle la commission du prêt public. Donc, il n'y a pas de cote là-dessus. C'est une question assez complexe, mais pour résumer, on n'a pas le choix. Donc, bien éditer, bien publier, c'est savoir publier le bon nombre de livres au plus proche possible du nombre que vous allez avoir vendu finalement et s'assurer d'avoir une certaine forme de pérennité sur les années à venir. Wow, c'est super intéressant, puis j'aurais encore plein de questions, mais l'émission tire à sa fin. C'est toujours comme ça, c'est ça le problème avec les émissions, c'est que ça tire toujours à leur fin. Ben oui, c'est toujours ça le problème, parce qu'il y a plein de questions que j'aurais pour toi. Je vais probablement te recontacter pour avoir des informations supplémentaires, pour les donner aux auditeurs et aux lecteurs. C'est le genre de questions, venez me voir en salon du livre, j'ai aucun problème avec ça. Ben oui, aussi, mais sinon, vous pouvez toujours retrouver l'information par rapport à l'émission au julielioli.com. La semaine prochaine, on reçoit Marie-Pierre Lahince, qui est agente littéraire. Justement, tantôt, on en parlait qu'elle Je connais beaucoup. Qui est très gentille. Ben oui, qui est très gentille. Donc, elle va être là la semaine prochaine avec nous. Je laisse au bon soin des saints patrons de l'Acouphène. Bonne soirée.